Bah j'ai, ouais, ça y est, j'ai allumé les micros, alors on peut plus parler, sauf si on a des choses intelligentes à dire, donc je vais fermer ma gueule. Voilà, c'est Pyongyang City Rockers numéro 402 qui commence dès maintenant, vu qu'il est déjà 20h et 1 minute et 30 secondes. Ce générique est beaucoup trop long, il va falloir trouver autre chose. Non ? Qu'est-ce que t'en penses, Jamou ? Hein ? On le synthétisait en format plus court. Ouais, bon, tu veux le faire. On va le mettre en x2 sinon. D'accord. Bon, x4 alors. Et donc ce soir, il y a non seulement Jamou, mais aussi Célia. Salut. Et puis Henri qui revient. Oui. En, je sais plus combien, 4e semaine, je pense. Ouais. Et puis t'as encore ramené des trucs du folk bourriate. Exactement, ouais. Célia. Ça va, Célia ? T'as ramené des trucs, toi ? Ouais, j'ai ramené un peu de nouveautés et un peu d'autres trucs. Et puis pour ma part, j'ai oublié de prendre les titres à Jamo, donc on a réussi à récupérer tout ce qu'on pouvait directement sur le réseau Façade Rouge, comme disait un grand absent. On verra ça tout à l'heure. Grand absent. Ouais, et puis, et puis en plus de ça, tout ça est encore de l'irlandais. Non, c'est des choses qui viennent de Brighton. Oh là là, pouf, c'est beaucoup trop près ça. Et puis pour ma part, comme d'habitude, concert. Pour l'instant, une reprise, vu que apparemment les reprises, c'est ce qui marche beaucoup, non seulement sur Radio Campus, mais aussi sur Droogies Radio. Je vous invite à écouter la rediffusion du spécial cover fait par notre ami qui n'est pas là, Mister de Varlin, qui revient peut-être la semaine prochaine, on ne sait pas. Pour l'instant, justement, une petite reprise. Bon, on va pas faire dédicace vu que c'est interdit de faire des dédicaces sur campus, mais quand même. En plus de ça, c'est une reprise de Jason Donovan. Ils le disent dans le titre, Jason Donovani Moon, un autre Jason Donovan par les Estoniens de JMKE. Très joli ce petit arrangement. Hein. On voit qu'il a fait le conservatoire à Tallinn, monsieur de JMKE. Un jour, je passerai la version des chaussettes noires. Mais on verra. Un jour. Un jour. Ben, moi, je vais parler un peu de nouveautés. Il y a le projet All Star de Lille qui s'appelle Columba Triste. Tristé, je sais jamais. Ils ont sorti deux nouveaux morceaux. Pour l'instant, c'est disponible sur le camping des groupes. Et ça va bientôt sortir en EP, normalement. Je vous partage leur message de promo parce que j'aurais pas su dire mieux. Alors, les Pigeonneries sont de retour avec deux titres qui pourraient faire écho au climat actuel, aux méga incendies et aux grosses inondations. En feu, sous l'eau, comme les carcasses de voitures cramées qui dorment au fond de la Deule, comme des brûlures que l'on recouvre d'eau froide, qu'on panse et qu'on soigne, aller de l'avant en nage libre et se délester au maximum des maux du passé en solo, en clique, en famille, se réparer plutôt que se détruire. On écoute tout de suite En feu de Colomba Triste. Non, si, si, c'était fini. Ouais. Colomba Triste, qu'on pourra retrouver si on a la chance d'avoir une entrée, parce que c'est quand même un club hyper select. À Louis Pleur, pas le week-end qui arrive, mais Stila d'après. Donc ça sera le 7, 6. Le 6 et le 7 ou le 7 et le 8, je ne sais plus. Non, le c'est 6 juste, et le 7. C'est ouais. Juste ouais, le 6. Le 6 ouais. Ouais, non, mais le 7, enfin, oui, le 7, on se réveille. Oui, jusqu'au 7 au matin, quoi. Enfin, on essaie de se réveiller. Voilà. C'est ça. Louis Pleur, bon, enfin, vous regardez sur Shpunk et puis vous savez où ça se passe. Peut-être pas, d'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai mis, la c'est à Clark. Ouais. Clark. Au site à travers champs. Ouais, à travers champs. Il y aura peut-être des... Alors, c'est complet depuis belle lurette, mais si ça tombe, il y a des gens qui vont se désister. Donc, si vous êtes en liste d'attente, peut-être que vous ferez partie quand même des Chosen Few, des heureux élus, pour aller à Louis Pleur. Il y aura plein de trucs bien... Ah oui, j'ai dit qu'il veut passer maintenant ou... Allez, je me lance. Ouais, du coup, cette semaine, je vais vous passer deux titres du premier album de Ayukaba, Opération Massacrée. Alors, je dis premier album, mais en soi, première sortie officielle aussi, parce qu'il existe une démo sortie et produite par le groupe, mais qui n'existe pas sur Internet. Bah oui, les boomers. Et qu'il fallait les croiser sur leur tournée en 2024, si vous vouliez avoir une chance d'écouter ça, ce qui est mon cas, puisqu'ils et elles ont joué, au CCL le 1er avril 2024 à Lille. Donc après quelques balbutiements hispanophones et l'achat d'un t-shirt, évidemment, consommation, j'ai pu avoir accès à cette démo où on nous indique que c'est Matteo au chant, et bah plus maintenant, voilà. La bassiste Chromie est désormais au chant et Matteo a pris la basse. Bon, en live, on sentait déjà une volonté de mettre plus de chant de la part de Chromie par rapport à ce qu'on peut entendre sur la démo, mais ça je l'ai compris après le live, vu que j'ai pas chopé la cassette au concert. Petite info line-up en plus, parce que j'aime bien. Ayukaba, ça partage un guitariste avec les excellents metal punks de Muro. Allez écouter si vous ne connaissez pas Muro. Et pas de doute, hein, on est dans le punk hardcore bien Burning Spirit avec Ayukaba. On s'écoute tout de suite le morceau Oxido. J'en vois. Pardon. Ça a été plus vite que ça. En fait, on s'aperçoit qu'on y était. Enfin, en tout cas, moi, j'y étais à ce concert au CCL, 1er avril 24. Bon. On va à trop de concerts, en fait. Il faut qu'il y en ait moins, là. T'es d'accord, Jao? Ouais, je suis d'accord. Moi, je vais vous passer Lambrini Girls. Ouais. C'est un alcool au goût de pois. Lambrini. Oh ouais. Apparemment, ça vient de là. Ok. Ouais. Un alcool à goût de poire. Ouais. C'est bizarre, ça. Apparemment, ouais. Il y a bien des trucs à l'avocat, puis à la mandarine, c'est dégueulasse. Ouais, quoi. Maintenant, c'est à la poire. Voilà. Voilà, Lambrini Girls. Et je vais vous passer God's Country. God's Country. La Belgique. Non, si, ça vient de Brighton. C'est le pays de Dieu. Ça vient de Brighton, UK. Non, mais le pays de Dieu, c'est la Belgique. Ouais, le pays divin en tout cas, je n'aurais pas allé plus loin quoi. Donc ça parle de Big Ben, d'Union Jack, de Maggie Thatcher bien sûr, et de Sauver le Roi, God Save the King. Il y a un petit peu d'ironie peut-être. Ouais, sûrement. Ouais. C'est normal, c'est Pion Gangster Rockers numéro 402 sur Campus 106,6. Oh yeah. Outside detention centres, Union Jack, all for Iraq, and God's sake. Fort énervé sur la vidéo. Je l'avais pas encore vu celle-là. Ouais. Pourtant, celle date d'un petit peu. Ça passe à l'ancienne Belgique en décembre. Ouais, Juice, qu'est-ce que je te fais. Je pense. Enfin, on sait pas, mais enfin, si, on sait. Retour à quelque chose d'un peut-être un poil plus mélodieux. Quoique, je n'en sais rien. En tout cas, ce sont des gens australiens qui vont passer Dunkerque au DND. 3 places Jeanne d'Arc, donc vendredi. Ce vendredi qui arrive, c'est Delivery. Et voici maintenant avec Bader Meinhof. C'est du propre. Hein. S'il y avait des claviers, c'est bien. Oh, mais taisez-vous. Oh, mais oh, pff, voilà. Ouais, il y avait des claviers, donc ça va, c'était plus mélodieux. Ouais, ouais. Hein, voilà. Bon, je vais rester un peu dans ce style-là. Je vais vous parler de Flipper. C'est un groupe parisien de garage egg punk qui est assez récent. Leur premier concert, c'était le 29 mai à l'International à Paris, à l'occasion du concert de fermeture de cette salle. Non, tout ferme. À l'heure, quand je disais qu'il fallait qu'il y ait moins de concerts, c'est pas pour fermer les salles, hein. C'est une connerie. Hein. Non, la salle, elle a fermé parce qu'il y avait des problèmes du bâtiment, je crois, enfin, du lieu, et qu'il y avait beaucoup trop de travaux à engager. Encore des propriétaires véreux. Non, même pas. Même je pas. Crois. Ah bon. Je sais plus, mais enfin ouais, il y avait trop de travaux engagés pour que ça puisse rester comme ça. Est-ce que ça existe des propriétaires qui sont honnêtes? Ah, je veux dire à part dans les films quoi. Ouais, bah, écoute, je pense que ça ne constitue pas la majorité du genre. Voilà. Oh, t'as des références. Un petit peu. Je sais plus ce que je disais. Ah oui. Pour l'instant, ils ont sorti qu'un seul morceau sur Bandcamp et leur démo va bientôt sortir chez Howlin' Banana Records. D'ailleurs, ce label a sorti une compile cet été qui s'appelle Howlin' Banana Summer Sample numéro 12. Et ils font une reprise dessus. Donc on va écouter tout de suite Pac-Man et Les Champs Brûlent par Flipper. Reprise, ouais, putain, ouais. Franchement, The Reprise. C'est encore un truc qu'on pourrait passer sur Droogies un jour. On va proposer ça, Gaël, on va faire un volume 3 avec des reprises un peu bizarroïdales. Parce que c'est bien joli, là, ouais, hein, mais bon. Salut. Salut. Donc, ouais, là, c'est l'instant court, je sais pas, théorique. Bref, je vous parlais du coup de Burning Spirit tout à l'heure, pour situer, enfin du terme Burning Spirit, pour situer un petit peu, c'est la scène punk hardcore japonaise qui débutera un petit peu avant le début des années 90. Je pense qu'on peut citer le premier EP de Deicide en 88, comme un petit peu truc en marquant dans cette scène. Donc c'est très influencé New Wave of British Heavy Metal, donc des groupes à la Saxon, Iron Maiden et tous les groupes à guitare soliste, ou encore des choses plus crust, parce que quand même, il faut un peu de punk, comme Amebix ou même Anticimex, hein, pour ce côté rock'n'roll motorédien. Donc ça, on reste dans le rock'n'roll, mais bref. En tant que classique, je vous disais, on peut citer les groupes Deicide ou Bastard, et je dois avouer qu'en groupe non japonais, qui perpétue cette tradition du Burning Spirit, je vous recommande les Portugais de Nagasaki Sunrise, qui sont déjà très connus. Je pense pas forcément vous faire découvrir grand chose, mais allez écouter ou réécouter, ça me fera plaisir. Donc Ayukaba garde ce son et cette esthétique, mais pas ses thèmes. On est très loin des paroles épiques de Deicide. Le nom Ayukaba, selon les membres du groupe, signifie l'action de mourir. La mort en soi, le destin de chaque énergie vivante sur cette planète. Voilà, c'est comme ça qu'ils l'ont dit avec ma mauvaise traduction, parce que je parle pas très bien espagnol, je dois l'avouer. Donc les paroles traitent d'une réalité impossible à ignorer. Oxydo, que vous avez entendu tout à l'heure, parlait de cette peur de s'oxyder, de rouiller dans une vie angoissante où malgré une force de vivre et du courage, le diazépam, le Xanax ou d'autres drogues pharmaceutiques restent parfois la seule réponse, le seul remède à des nuits de paralysie. Parce que c'est un petit peu intellectuel. Je vois quelqu'un qui écrit ses interventions. Ouais, hein. Et du coup, le morceau qu'on s'apprête à écouter, qui s'appelle Ayukaba et qui était déjà présent sur la démo, bon, je vous ai déjà dit le plus gros de la signification de ce mot, mais je vous donne la dernière phrase du morceau pour conclure cette chronique. Solo espero el fin que la muerta mettra et là, je n'attends que la fin que la mort m'apportera. Voilà. Ayukaba. C'est pas du jobcore, mais presque. Hein. Ouais, bah. Écoute, il est 20h30 à l'antenne de Campus 106,6. C'est Pyongyang City Rockers, ah, numéro 402, qui vous présente Jamo à son heure. À mon heure. Ça fait longtemps qu'il n'est pas passé à son heure. Ah ouais, là. Je suis surpris quand même. Je vais vous passer Big Special. Oh. On part à Birmingham, en Angleterre. Je suis encore des Anglais, je crois. Bah ouais. Alors, le titre, c'est Hug Bastard. Ben, si tu veux. Ça parle de trouver Dieu alors qu'on trouve pas ses clés de bagnole. Faut aller en Belgique. Ouais. Décidément. Et des fois, tu dois aller en rave et des fois, tu dois courir et aussi faire un câlin à un bâtard. Ben ouais, en plus. Ben ouais. C'est sorti en juillet. L'album, c'est National Average. D'accord. La moyenne nationale. Ouais. Ouais. Ici, elle est faible, hein. Franchement, je dois dire, ouais. C'est moi qui vais trouver ça. Ça mais... tourne en Angleterre. Donc, Big Special. Donc, pour nous, on est en Corée du Nord. Oui, c'est vrai, on est en Corée du Nord. Allez, big spécial. Ouais, la tête. Find my keys, been round the gaff on my knees, seeking bliss is misery, position open for local visionary, that's why they hate me, I'm what they pretend to be, two cats, two kids, the vision is slippery, but for now, kiss me I'm sticky, I ain't trying to say I ain't tricky, but ain't saying I ain't sound, catch me on my all fours, little momentary hound, and if death will not make me free, and swings me back around, just let me be a dirty dog, or leave me in the ground. Sound. One for a fiver, two for a pound. Me, Cerebus's chum, I have come undone. I lay back amongst the graves and piss into the sun. Sometimes you've gotta rave, sometimes you've gotta run. Cerebus's chum, I have come undone. I lie back amongst the graves and piss into the sun. Sometimes you've gotta rave, sometimes you've gotta run. Turn the cheek, hug a bastard, let them past and take the gaff back to plaster. Leave all that you owe, you'll run faster. Sound. Could have been lives in the room like a droning fly between the palm and the screen. What could have been and what could still be? You can try for four lives and still never see. Open your eyes but don't keep them so wide that you cannot sleep. Use the whole body, make every penny. Bones make jelly, but if you swat the fly, you'll smash the telly. You can try, you can try. No one said that you couldn't try. The innocent line, the whale's belly. You can try, no one said you couldn't try. Sound. Chum, I have come undone. I lie back amongst the graves and piss into the sun. Sometimes you've gotta rave, sometimes you've gotta run. Me, Cerebus's chum, I have come undone. I lie back amongst the graves and piss into the sun. Sometimes you've gotta rave, sometimes you've gotta run. Turn the cheek, hug a bastard, let them past and take the gaff back to plaster. Leave all that you own, you'll run faster. Leave all that you own, you'll run faster. Leave all that you own, you'll run faster. Sound. Sound. One for a fiver, two for a pound. Et ben voilà, on n'a presque pas fait de blanc sur antenne, étant donné que tout le monde était en train de s'en boire une, c'est vraiment dégueulasse. Vous êtes bien à l'écoute de Pyongyang City Rockers. Et puis encore une petite annonce de concert, là c'est un peu loin. Où déjà ? À Anvers, mardi prochain, il y aura Jean Mignon qui vient de... C'est un groupe, je crois que c'est un mec, mais après il a donné son nom au groupe, parce que si tu veux, il y a un ego un petit peu... Bon. Et donc... c'est du véritable punk new-yorkais. Ils vont passer au Antwerp Music City avec deux groupes du coin anversois, c'est-à-dire Sport Weekend et un nouveau groupe qui s'appelle Foofer, F-O-O-F-E-R. Et moi, rien qu'un nom comme ça, déjà, ça a 10 points en plus. Donc j'espère qu'en plus de ça, ouais, j'espère qu'en plus de ça, la musique elle est bonne. J'ai pas réussi à en trouver parce que ça risque de devenir une de mes coqueliches, rien que pour le nom. Tac. Non. Voici donc Jean Mignon qui passera mardi prochain à AMC. Les voici avec Won't Put Him Down. Mériterait de passer au pit cette affaire, hein, franchement. Ah ouais. Enfin, d'ailleurs, ça sera peut-être le cas, on sait pas. Hein, tous ensemble. Youpi. J'ai pas entendu ce que tu voulais me faire passer. Tu vas devoir écouter ce que je vais dire. Vous êtes obligé. Je vous ramène encore de la nouveauté. Cette fois, c'est un groupe de Français qui habite à Leipzig. C'est Bronco Libre. Du bon punk hardcore qui fait penser un peu à Youssef Haider avec un chant en français. Ils viennent de sortir 5 morceaux sur le bandcamp d'Apfel Records. J'imagine que ça va sûrement sortir en EP. On écoute tout de suite La Corrida de Bronco Libre. Oh, Ah, c'est beau, hein, la gratte, là. Ouais. Henri. Ah, moi, j'ai... Ouais. Tu veux encore que j'en passe un, pardon ouais. Bah, écoute, oui, il m'en reste un à passer, je pensais non, que... Non, parce que là, j'ai l'impression que ton micro a décidé de ne plus fonctionner. Ah, ouais. Si, c'est bon, on l'entend, non ? Ok, pardon. Bah, oui, il m'en reste qu'un, du coup, un morceau qui était déjà joué en live par Ayukaba sur l'ancienne tournée, qui était quasiment uniquement chanté par Chromie, du coup, à la basse, et qui faisait basse chant. Il s'appelle Pays Annihilator, donc Pays Annihilateur, vous aurez compris, hein, guerre à la guerre. J'ai pas trop grand chose à dire sur ce morceau, juste va savoir pourquoi. Quand je repense à cet album de Ayukaba, Opération Massacrée, c'est toujours ce passage du refrain qui me revient en tête. Donc ça doit être mon tube. C'est parti du coup pour Pays Annihilator. Bah, c'est bien. Ouais. Oui. Jamo, oui, j'arrive. Tu es là. Ouais, je vous passe Get Down Services. Encore des Anglais ? Ouais. Bah ouais. Manchester sous la pluie, c'est des Anglais. Bon, ça va, ça c'est John Nord, bon, enfin, ah, Apple, non. Un peu plus le titre c'est Dog Dribble. Ça veut dire un chien qui dribble. Ah oui. Ouais, faut tout fumer beaucoup au football, de moquettes avant d'arriver à ce niveau-là. Et Manchester sous la pluie avec un chien qui dribble et des résolutions qu'on a parfois et tout. Ouf, et puis la mort à la télé. Voilà. Manchester in the rain, stood grinning at my phone, looking fucking insane. Guns pushed by me, they were getting the train. I thought, what would it take for that to derail? Lately, been a little not loose. Corn in the oven, Limp Bizkit in my brew. Cause reality blurs and I'm skipping on the truth. Push away people I'm supposed to be close to. Having peacetime, key lime, pecan pie. After heaving down a sausage and half a jar of brine. We've got the orders, we're in the living quarters. With a load of hot dogs and a heap of fucking burgers. Where's my resolve? I think you got it. Telly. Don't kill me, don't kill me, don't kill me, don't kill me, don't kill me, don't kill me, don't kill me. dinner scenes. I'm a burnt chip getting sent to the food bin. Waking up every day on a food binge. I down three reddies and exercise discipline. Foolproof, get the big move later on. Execute perfectly about five head spins. C'est des roast beef, hein. Ouais. Il n'y a pas de doute. Hein. Ils sont cool, hein. Oui. Ah bah oui, c'est les seuls qui puissent être aussi cool alors qu'ils sont habillés comme des. Enfin, de dire, moi je mets les mêmes fringues. D'ailleurs, je mets les mêmes fringues. J'ai pas du tout cette classe. Vous écoutez Pyongyang, c'est Iroquois 402. Il reste 10 minutes à passer en notre compagnie. Et maintenant, bah puisque c'est ainsi, je vous refais une petite annonce de concert, à savoir dès que j'arriverai à retrouver mon petit papier. Merde, qu'est-ce que j'avais dit que je passais? Bah, Inferno Personale qui vont passer ce lundi prochain avec. Je suis sûr que tu peux le dire de mémoire. Oui, avec AFK et Chlore. Enfin, Arc Fuck Kill et Chlore. C'est pas EWF on Keyboard Bah non. Écoute, bon. Ils auraient pu choisir ça. Ouais, et ça sera dans la nouvelle salle que tout le monde s'arrache parce que ça commence à, quand même à être connu. C'est le High Voltage rue Solferino. Tu sais, enfin. C'est même. En face du théâtre Sébastopol. En face du Sébasto, ouais. C'est ça. Je suis jamais allé là-bas. Ah, moi non plus. Ouais, c'est bah, c'est, écoute, c'est ambiance hard rock. Voilà. C'est, bah, d'où le nom High Voltage, quoi. Mais... Il y a des types à cheveux longs et tout, quoi. Ouais, il y a des boucs, il y a des bérets aussi. Il y aura une baston à la fin ou quoi? Peut-être pas, on verra. Bon, si les punks et les hardos se battent ce soir. Ils boivent du Jack Daniels aussi. Hein, ouais, parce que pour rester vraiment dans le truc, bien tarte à la crème. Ok, et donc Inferno, personnellement, ils seront avec Arc Kill et Chlore au High Voltage. Nous allons pouvoir aller, ça sera ce lundi à partir de 19h30, nous dit-on. Ouais, 19h30. Bon, voilà, et puis chez Tic organisons. Hein. Plus ou moins, ouais, on essaie de faire la bouffe et le son, quoi. Et puis, donc les voici avec tout ego. C'est une histoire de quelqu'un qui ferait mieux de fermer sa gueule avant de l'ouvrir. Et puis ensuite, je vous passe un extrait du futur album de Teigne qui va sortir en octobre. Teigne, un groupe lillois, pardon. Ils seront à l'antenne avec Racist. Pour l'instant, Inferno Personale. Ensuite, Teigne. We'll be right back. Ouais, ça finit bizarre. On dirait que t'as fait un petit plantage, mais en fait, non, c'est normal. Ouais, bon, on pourrait croire, hein, vu que c'est moi qui suis aux manettes. Bon, alors moi, je vais passer un truc qui n'a rien à voir. Ouais. Je vous parlais de Cosé Müller. C'est une artiste berlinoise qui a fait des morceaux mélangeant soundpunk et new wave et techno. Elle a fait partie des groupes Das Das et Glass. Avant de se lancer dans une carrière solo, son dernier album s'appelle Softcore et il est sorti chez Static Age en 2024. Et d'ailleurs, elle va bientôt passer au CCL, c'est le 2 novembre. Et on écoute tout de suite Trotstadt de Cosé Müller. Vous savez qu'il reste 50 secondes, on avait laissé Cosé Müller en fond sonore pour dire au revoir. C'est la fin de Pyongyang City Rockers numéro 402. Merci à nos auditrices et auditeurs de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour le 403e PCR. Là maintenant, ce qui démarre, c'est... La Frappe. La Frappe qu'on pourra retrouver à Dunkerque au Oi Oya Oya, qui est un... ça y est, un festival semi-secret organisé par l'équipe du défunt Calvaire, mais qui a toujours l'agnac. Et il y aura donc, entre autres, La Frappe. On écoute ici avec nos restes. Et puis on dit au revoir, et puis on n'oublie pas... Acab. Just for that, getting one more.